défendu ça. Non. On prend ça. Oui. Impeccable. Avec Benes, prends direct la quête. C'est pas demain que je vais dire j'arrête. C'est pas parce que du buzz que je me la pète. Je compte tous les traumatisés. Je me rappelle encore qui disait. J'étais rené que j'allais pas percer. Maintenant que j'ai percé, je suis bizarre. Cherche à acheter un permis bateau. Je vis pas dans un château. Travaille sur un bateau. Tu me plairas pas toi. Braquage type gendarmerie. Charbon qui marche armurerie. Je vois que ta maman est en Zara. Je vois que t'as gagné la Burberry. Remplis l'iPhone, on va se faire péter. Studio, le moins c'est DP. Au studio, le moins c'est TP. Faire qu'ils demandent à dépôt. T'as pris un sou de déco. Y'a plus des gangs qui décrochent. Et là, ils sont où tes potes. T'avais tous dit t'inquiète. Maintenant, toi, t'es tout seul. T'as vu tes veux faire un tête. Tu vas te démerder tout seul. J'suis un assassin. Outre, y'a pas de cabine. J'suis que le cerveau de ma bime. Des fois, pour pas un centime. J'suis un assassin. Outre, y'a pas de cabine. J'suis que le cerveau de ma bime. Des fois, pour ça trahit, tu fais de la mara. Je fais le voyou, tu faisais le garage. Trop de BDH, je suis dans les parages. On veut tout ce port d'armes, on veut tout ce bordel. On confisque le portable, on se met mortel. On a l'attitude même sur Biggie. Demande à Baby Boy. On s'en fout de savoir où t'habites. On s'en fout de ton pote qui cogne. Sur le son que je casse tes têtes. Tu veux test, t'as pas la méthode. J'allume le feu, ils veulent pas l'éteindre. J'ai mon sorbet, je sauve pas mes codes. Et fais pas le mec Brunta. On va te faire une sale batouta. Tu veux me la faire, elle bouge. Tu veux la guerre comme un touta. J'ai plus de verre, coller la petite. Ma chiquita fait ma pépite. Tu m'aimes pas, j'écoute pas tes titres. Tu lances des pics, je répète tes kits. Sous la street comme Moubia ou Teta. Plus de flow, toi et tous tes gars. J'fais mon avis seul, j'écoute des gains. J'fais un clin d'œil, la mise, faut en bécane. J'peux peser dans le game, tu peux être un lourd. J'ai plus rien devant la Kalashnikov. J'trop encaissé, j'me bats comme un ours. Rapide, normal, go Vedov. J'm'as reconnu bien, on fait une toffe. Tu me vois pas toute l'année, je tape. Toi t'as assassin, donnez-moi le coffre. J'nique tout, toi et t'es brave. J'trois pas l'an minimi. Revolver, Alpha 9 milli. Grimper dans le game comme un alpiniste. À dire qu'à la base j'étais pisciniste. Pour les maisons de disques,